Vous écoutez France Culture. Quatrième et dernier temps de notre semaine mousquetaire dans la fabrique de l'histoire. Après nous être attachés lundi à la figure d'Athos, le noble Athos avec Jean-Marie Constant, puis mardi à celle de Porthos, le bon vivant, et hier à Aramis, l'homme de pouvoir et de religion, nous terminons fort logiquement cette série par le plus connu d'entre eux, D'Artagnan. D'Artagnan, l'aspirant mousquetaire, une figure de l'homme d'armes au XVIIe siècle dans une balade au cœur de l'exposition Mousquetaire au musée de l'armée à l'hôtel des Invalides à Paris. Perrine Kervran et Renaud Dalmar suivent dans cette promenade Claude Chop, il est spécialiste de Dumas, Rémi Masson, historien et auteur des Mousquetaires ou la violence d'État, paru l'année dernière aux éditions Vendémiaire, et Olivier Renaudot, commissaire de l'exposition du musée des Invalides consacré aux Mousquetaires. Tous tentent de démêler les fils de la fiction et ceux de l'histoire pour retrouver le quotidien des véritables Mousquetaires au XVIIe siècle. Alors nous avons traversé la grande cour pavée de l'hôtel des Invalides et puis nous sommes entrés dans l'aile Orient qui abrite les collections les plus contemporaines du musée de l'armée. Et nous voilà réunis donc à l'entrée de cette exposition consacrée aux mousquetaires. Alors en bons historiens, on commence par s'arrêter devant une frise chronologique, mais une frise particulière puisqu'elle a trois entrées. Elle met en parallèle trois axes qui sont aussi finalement les nôtres, hein, la vie du vrai D'Artagnan, donc qui est né en 1607, la vie du faux D'Artagnan, celui d'Alexandre Dumas, qui est né en 1611, à moins que ce soit lui le vrai, on verra, et puis la vie d'Alexandre Dumas, donc qui a fait paraître son roman en 1844. Alors peut-être on peut commencer par dire justement qu'il y a un vrai D'Artagnan. Qu'est-ce qu'on connaît de lui et comment est-ce qu'on a eu ces informations, Olivier Renaudot? Donc vous êtes le conservateur de cette exposition. Oui, c'est un personnage qui, je pense d'ailleurs, sans Alexandre Dumas, n'aurait pas certainement eu tant d'historiens qui se sont intéressés à sa biographie. Alors à vrai dire, on ne connaît pas vraiment la date de sa naissance, la naissance du vrai D'Artagnan. On a quelques informations assez éparses sur son entrée au corps des mousquetaires en 1633. Je crois que c'est le premier document que nous ayons sur l'existence en fait de ce personnage. On connaît sa famille, on sait dans quel, en fait, le nom de D'Artagnan, c'est le nom de sa mère. En réalité, son vrai nom, c'est Charles Dubas Castelmort. Il a pris le nom de sa mère, qui était d'une famille un petit peu plus prestigieuse que celle de son père. Et donc le vrai D'Artagnan naît effectivement à Loupiac à une date inconnue. On calcule à peu près son âge. On sait qu'il était mousquetaire du roi. Il apparaît dans une monstre, c'est-à-dire une revue en fait de la Compagnie des Mousquetaires en 1633 au château des Coins. Et on retrouve D'Artagnan au service de Mazarin. Et là, on a une correspondance assez suivie. À un moment qui est assez critique et pour le cardinal ministre et pour D'Artagnan, puisqu'on est en pleine fronde. Et avec une très grande fidélité, D'Artagnan va galoper au service de son éminence, porter des messages, sonder les cœurs en faveur de son éminence, plus ou moins en danger politiquement à cette époque. Et à vrai dire, c'est cette fidélité de D'Artagnan au cours de cette période difficile qui va être un peu à marchepied pour ses fonctions futures, donc auprès des premières personnalités de l'État et notamment Louis XIV. Alors Claude Chop, vous êtes le représentant aujourd'hui d'Alexandre Dumas et donc du D'Artagnan qu'on connaît mieux. Oui, le D'Artagnan de la fiction, qui est une sorte de miracle puisque rien ne prédisposait au fond Dumas à s'intéresser à D'Artagnan. C'est le hasard, c'est-à-dire un livre prêté par le bibliothécaire de Marseille et jamais rendu, qui introduit Dumas dans la connaissance de ce monde. Il avait déjà fait quelques tentatives dans le roman historique, mais sans un succès extraordinaire. Et tout d'un coup, ce roman va définir, en fait, autant Dumas que D'Artagnan. Dumas va devenir le romancier historique grâce à ce héros, avec ce sens de la série qui est propre au 19e, Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et 10 ans après, c'est-à-dire Le Vicomte de Bragelonne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond, Les Mousquetaires pour Dumas, c'est l'anti-Louis-Philippe. Le véritable aspect historique des Trois Mousquetaires, c'est au fond une radiographie négative de l'époque Louis-Philippe-Ardé. C'est ce qui, pour moi, me passionne, bien entendu, mais je serai toujours du côté de la fiction, donc je préfère laisser la parole aux historiens. Alors peut-être on va directement entrer dans l'exposition. Mon fils, tu nous quittes pour être mousquetaire. Tu es jeune, brave pour deux raisons. Tu es gascon et un d'Artagnan. Donc bats-toi à tout propos. Ne supporte jamais un affront, sauf du roi. Et du cardinal de Richelieu. Ceci dit, méfie-toi du cardinal parce qu'il dirige la France pour le roi. Mais toi, tu es un homme du roi et de la reine. Voilà. Rémi Masson, là nous sommes devant ce qui pourrait symboliser finalement la création de la Compagnie des Mousquetaires. Vous avez travaillé donc sur les Mousquetaires et donc vous avez publié ce livre sur la question des Mousquetaires comme représentation de la violence d'État finalement. Voilà, tout à fait, parce que en fait ce qui caractérise la création de la Compagnie des Mousquetaires, donc qu'on estime vers 1622, à une période qui est caractérisée par la violence des guerres de religion. Et donc dès leur création, les Mousquetaires sont liés à la guerre de siège, et on les retrouve notamment pour la première fois au combat lors du siège du fort de l'île de Ré. Alors donc là on est devant alors ce qu'on peut appeler, donc c'est un baudrier, il y a une épée. Vous pouvez nous décrire un peu cette vitrine, Olivier Renaudot ? Alors vous avez en fait ici l'équipement d'un mousquetaire, qui n'est pas particulièrement l'équipement d'un mousquetaire du roi. Malheureusement, nous ne conservons plus les fameuses casaques bleues que Louis XIII avait attribuées à ses soldats. En revanche, vous avez ici tout l'équipement et l'armement d'un de ses soldats, le mousquet, donc, qui est cet ancêtre du fusil, qui est une arme de très gros calibre, qu'on ne peut utiliser qu'à pied. C'est une caractéristique aussi de ce corps des mousquetaires, qui est un corps de cavalier, mais qui combat à pied. Il se déplace à cheval, mais combat à pied. Et le mousquet est une arme tellement pesante qu'on doit l'appuyer sur une fourquine, qui est cette petite fourchette en fait, sur laquelle le mousquetaire d'affût, en quelque sorte, pour poser l'arme. L'épée, évidemment, avec son porte-épée, donc, dont là nous avons la chance de conserver un élément contemporain. C'est assez rare d'avoir l'intégralité de l'équipement. L'épée, qui est une arme, en réalité, une arme annexe, en fait, puisqu'on combat d'abord à coup de mousquet, qui est une arme. Si le mousquetaire a l'épée et le mousquetaire vient de mousquet. L'épée, c'est une arme d'autodéfense en réalité, qu'on utilise en dernier recours. Et puis le fourniment, qui est cette bandoulière, donc à laquelle sont appendues les petites charges, les patrons, comme on les appelait à l'époque, ou les coffins, qui sont ces petites charges de poudre toutes préparées, donc qui dotent le mousquetaire d'une puissance de feu à peu près d'une douzaine de coups. Bon, ensuite il a de la poudre et des balles en supplément pour pouvoir recharger son arme. Alors donc, ces mousquetaires, c'est une garde spéciale pour le roi. Quel était le rôle de cette compagnie au départ, Rémi Masson ? Les mousquetaires sont d'abord créés en fait pour accompagner le roi à la guerre et à la chasse. Et très vite, en fait, ils sont intégrés à ce qu'on appelle la Maison du Roi, donc qui est une institution regroupant l'ensemble des corps de garde des rois de France, en fait, et qui sont destinés, dans un premier temps, à assurer la garde des rois de France, une période qui a été marquée par l'assassinat des deux rois précédents. Alors on a, vous nous l'avez dit, Olivier Renaudot, malheureusement on n'a pas d'uniforme des mousquetaires. Alors peut-être on peut quand même le décrire, cet uniforme qu'on a tous en tête, cette casaque bleue. Cette fameuse casaque bleue, on l'a évoqué par le biais de costumes de théâtre et de costumes de cinéma, parce qu'évidemment c'est certainement l'objet le plus emblématique du mousquetaire, celui qu'on a retenu. En fait, ce qui est paradoxal avec ce corps, c'est l'extraordinaire réputation qu'il a au niveau planétaire, grâce à Dumas et grâce aux adaptations. Maintenant ce sont plutôt les adaptations de Dumas. Mais paradoxalement, les images contemporaines de ces mousquetaires sont extrêmement rares. Nous avons qu'une petite poignée de documents, d'estampes, de tableaux qui évoquent ces mousquetaires à l'époque de Louis XIII. Aucune de ces casaques ne nous a été conservée. On peut dire que ce sont presque les premiers uniformes militaires, mais ce sont davantage des vêtements qui ont un statut de vêtements. C'est ce qu'on appelle une livrée au XVIIe siècle, c'est-à-dire en fait des vêtements qui marquent l'appartenance d'un homme à une maison. En gros, ce sont presque des vêtements de domestique, finalement, et le roi donne sa livrée à ses domestiques, ce qui est d'ailleurs un honneur de porter la livrée du roi, et on la porte par-dessus des vêtements civils qui ne sont pas du tout réglementés. C'est-à-dire que le mousquetaire a son pourpoint, ses bottes, sa culotte, qui choisit de la forme et de la couleur qui lui plaît et en accord avec la mode et en fonction de ses moyens. Et par-dessus, il recouvre le tout de cette grande casaque, donc à manches ouvertes, bleues, marquées de croix fleurdelysées, donc, qui sont devenues le symbole éternellement de la compagnie. Simplement pour rappeler d'ailleurs qu'au début, et même tout au long du XVIIe siècle, la couleur dominante de l'uniforme des mousquetaires, c'est le rouge, et non pas le bleu, comme on peut voir sur les représentations classiques qu'on en fait. Et par contre, ce dont ils sont dotés dès le début sur leurs uniformes, c'est donc cette grande croix fleurdelysée avec des flammes autour, qui devient très rapidement le symbole et la marque distinctive de cette compagnie de mousquetaires. Alors on va continuer à avancer. Vous vous battez contre ce blanc-bec, mais je dois croiser le fer avec lui. Monsieur, seulement à 1 heure. Ah, c'est moi qui dois me battre avec lui. À 2 heures seulement. Depuis quand êtes-vous à Paris? Depuis 8 heures ce matin. Vous ne perdez pas de temps. Mon père m'a recommandé de me battre en duel. Eh bien, espérons que vous êtes digne de sa confiance. On passe à côté d'un cavalier avec son bouclier, et puis on arrive là donc devant des épées. Et donc peut-être là l'occasion, Claude Chope, d'évoquer la personnalité du D'Artagnan d'Alexandre Dumas. Donc on sait qu'il est batailleur, on sait... Oui, c'est un bretteur, et l'épée va servir à quoi? À, si j'ose dire, créer un groupe, puisque c'est à travers l'épée et le duel du pré au clerc que l'enseignement essentiel des mousquetaires, c'est-à-dire la revanche du groupe sur l'individu. Et c'est ça que Dumas cherche, l'amitié, maçonner avec amitié un groupe. Et les mousquetaires pour Dumas, c'est ça. Et si on regarde le mythe des mousquetaires internationales, c'est le mythe, en définitive, d'une amitié qui se poursuit pendant 30 ans avec ses hauts, ses bas. C'est véritablement un mythe littéraire qui se crée par l'épée, si je puis dire. Who are you? Tell Richelieu, the name's D'Artagnan. Alors c'est aussi Claude Chope, donc D'Artagnan qui n'est pas un mousquetaire. Alors peut-être il faut le dire, parce qu'évidemment on pense tout de suite aux mousquetaires quand on évoque D'Artagnan, mais c'est un cadet, il arrive à Paris pour devenir mousquetaire. Peut-être vous nous parlez de ce D'Artagnan des débuts. Le D'Artagnan des débuts, on le voit, c'est un jeune Don Quichotte de 18 ans. Alors évidemment, quand on regarde les films, on est très déçu parce qu'on trouve que véritablement, généralement, les D'Artagnan ont le double de l'âge que lui donne Dumas. Donc ce jeune mousquetaire va, à la suite du duel « Tous pour un pour tous », devise que Dumas a emprunté à la Suisse, à la suite du duel, son rêve, c'est de trouver un père, il va le trouver en l'affaire, en Athos, et aussi d'être intégré au groupe comme mousquetaire, et cela n'arrive qu'à la fin, c'est la fin des trois mousquetaires, et 20 ans après, on va retrouver tous les mousquetaires dans des états différents, ayant abandonné le service pour certains et reprenant du service. Alors, Olivier Renaudot, on est donc devant cette vitrine où on voit de nombreuses épées. Alors, est-ce que ce sont les épées de mousquetaires? Alors, il y en a de très lourdes, d'autres beaucoup plus fines, avec des gardes ou des pommeaux plus ou moins ouvragés. Il y a aussi des restes de pipes qui ont été trouvés par les archéologues, des dés qui illustrent un peu pour nous ce quotidien des mousquetaires. Alors, peut-être vous pouvez nous parler de cette école, finalement, qu'est la Compagnie des Mousquetaires. C'est une école pour la noblesse. C'est une école pour la noblesse. En fait, c'est vrai que les postulants mousquetaires arrivent jeunes, en général, à la Compagnie, très jeunes même. Et c'est souvent un corps par lequel on débute sa carrière militaire. On y entre sur recommandation. C'est un corps qui tient lieu, en quelque sorte, d'académie militaire, avec, évidemment, un apprentissage de l'escrime, un apprentissage de l'équitation, un apprentissage de la danse aussi. Ce sont les trois discipline fondamentale finalement de la formation du gentilhomme, où on apprend le maintien en quelque sorte, le maintien de ses passions, le maintien de son corps, et les trois disciplines s'épaulent l'une l'autre. Bon, dans les bons jours, on apprend aussi un peu de géométrie et un peu de mathématiques, mais a priori, c'est pas du tout la formation qui est privilégiée, en tout cas pour les mousquetaires. Et alors, on dote, et c'est un petit peu ce qu'on a voulu présenter aussi dans l'exposition, on dote traditionnellement, particulièrement au cinéma, le mousquetaire d'une épée de ce type, ce qu'on appelle l'épée à la taza, qui est cette épée en fait dans le goût espagnol avec une très large coquille enveloppante qui protège les doigts. C'est vraiment l'épée de mousquetaire quand comme on voit cette bol, épée finalement. Comme un bol, voilà, d'où son nom de Taza. En réalité, ce type d'épée est une épée assez tardive qui a été utilisée quasiment exclusivement en Espagne et qui remonte à la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, elle est de façon très improbable utilisée par les mousquetaires. En revanche, les armes que nous avons disposées à côté sont plus conformes à ce que pouvaient avoir entre leurs mains nos combattants. Et en fonction de l'usage, on a des armes différentes. Ce ne sont pas les mêmes armes que l'on utilise à la guerre et en duel, par exemple. À la guerre, on a des armes finalement relativement courtes qui ne dépassent pas 1 mètre ou 1,20 m, avec une lame assez large à double tranchant, qu'on peut utiliser aussi bien de taille que de pointe. Alors que les armes de duel, au contraire, sont des armes qu'on utilise uniquement des stocks de pointe et qui peuvent, elles, atteindre des dimensions tout à fait phénoménales. Là, vous avez des armes qui atteignent 1,40 m et la plus haute dentelle, la plus longue, dépasse 1,65 m. Dans les traités d'escrime de l'époque, on recommande à l'escrimeur, au bretteur, en fait, de choisir une arme dont la hauteur correspond à la hauteur de son aisselle. Voilà, ça vous donne un peu l'idée de ces dimensions. Et vous avez des armes absolument phénoménales qui, contrairement à une opinion, enfin, quand on voit ces objets, en fait, sont extraordinairement maniables. Alors Rémi Masson, peut-être on peut évoquer avec vous deux choses. La question du cadet de Gascogne, puisque c'est une des figures qui revient beaucoup dans le roman d'Alexandre Dumas et puis qui a son importance au sein des mousquetaires. Et puis cette question de la formation de la noblesse qui est aussi une manière de la canaliser. Alors oui, effectivement, ce qui caractérise aussi la compagnie des mousquetaires, c'est son recrutement régional, qui est en grande partie dû à l'un de ses premiers capitaines, qui est aussi un personnage qu'on retrouve dans l'œuvre de Dumas, qui est Tréville. Tréville est béarnais, et effectivement, il va favoriser le recrutement de gentilshommes issus du sud-ouest de la France. Et alors pourquoi les cadets de Gascogne? Parce que tout simplement, les cadets de Gascogne sont de jeunes gentilshommes provinciaux qui bien souvent montent à Paris avec beaucoup à prouver et peu à perdre, puisque en fonction du régime de ce qu'on appelle la primogéniture mâle, qui fait simplement en fait que ce sont les aînés des familles qui héritent des biens et de la fortune de leur famille. Et du coup, ces cadets de Gascogne doivent monter à Paris ou en tout cas chercher la fortune ailleurs, puisque de par leur statut, ils ne peuvent pas hériter de leur famille. Finalement, cette compagnie des mousquetaires, au-delà peut-être de former la noblesse, c'est aussi une manière de la canaliser. C'est aussi une manière de canaliser cette noblesse qui est jugée bien souvent bouillonnante. Et justement, les mousquetaires, ils témoignent de cette tension entre l'honneur de la noblesse et sa compatibilité avec le service royal, à une époque justement où l'image du guerrier s'efface derrière celle du militaire, de plus en plus attentif à sa carrière, en fait. Et c'est cette tension, notamment, qui s'exprime dans les duels dont les hommes de l'unité sont coutumiers au XVIIe siècle. Les gardes du cardinal, l'épée au fourreau, messieurs, vite! Eh bien, mousquetaire, un duel au mépris des édits? C'est une affaire personnelle, ayez la bonté de passer votre chemin. Nous avons le devoir de réprimer le désordre et d'arrêter les bretteurs. Remettez l'épée au fourreau et suivez-nous, messieurs. Impossible. Ça n'est pas pensable. Ridicule. Alors, nous vous chargeons. Ils sont 6 et nous ne sommes que 3. Non! 4! Vous n'êtes pas des nôtres. Ceci ne vous concerne pas. Je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. Mon cœur est mousquetaire. Sauvez votre peau, mon garçon. Allez-vous-en. Et vite. Comment vous appelle-t-on? D'Artagnan. Eh bien alors, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. En avant! En avant! Alors justement, peut-être, Claude Chop, si on continue à avancer dans cette exposition, vous pouvez peut-être nous parler de D'Artagnan, de son arrivée à Paris et du fait que le roman commence par au moins 5 défis lancés par D'Artagnan aux personnes qu'il croise au fur et à mesure. Oui, je reviendrai au moment où Dumas arrive dans le fond dans la France royale en traversant la Loire. Donc, il va y avoir ces trois moments où la maladresse du jeune provincial, puisqu'on est dans la province par rapport à Paris, va l'amener à un duel qui devrait être la fin de sa vie, débutée il n'y a pas longtemps, mais qui va au contraire être le début d'une aventure exaltante. C'est une des choses très importantes, cette question du duel pour la noblesse, cette question de l'habileté à l'épée, c'est quelque chose de central. Oui, et en plus, bon, pour ces jeunes gens qui viennent effectivement de leur province, qui doivent vraiment arriver, en quelque sorte, défendre leur honneur est une nécessité en tant que gentilhomme, et également aussi pour se faire remarquer, tout simplement. C'est-à-dire que malgré la proscription des duels, eh bien, c'est un excellent moyen de jeter, qu'on jette l'attention sur eux, en se montrant assez turbulent, et d'où la difficulté d'ailleurs qu'auront les rois de France à contrôler cette humeur batailleuse des jeunes gentilshommes, des jeunes combattants. Monsieur le capitaine, Sa Majesté le roi exige votre présence immédiate et celle des mousquetaires Athos, Aramis et Porthos, et de quelqu'un qui s'appelle D'Artagnan. Rémi Masson, là aussi, ce duel interdit, c'est une manière pour le roi d'essayer de contrôler ses troupes. On sait qu'il y a aussi ce climat de fronde. Il faut que le roi récupère l'exclusivité de la violence. Et voilà, vos imbéciles de coupe-charrette. Oui, votre majesté. Le courage exprimé par le duel est un mode d'expression caractéristique de la noblesse. Et toutefois, l'État absolu dans sa construction et l'État monarchique tend à s'arroger le monopole de la violence et donc à tenter de limiter le duel. Qui est considéré comme une atteinte à son autorité. Quel est celui qui m'a mis dans un embarras si cruel ? D'Artagnan, votre majesté. Ce qu'on va condamner davantage, ce n'est pas le duel en lui-même, mais c'est la publicité qui a été faite autour de ce duel. Et encore une fois, c'est cette publicité du duel que le roi tend à limiter. Ils se sont vus, la reine et Buckingham. Où ? Au Louvre. Quand j'ai appris la nouvelle, il était trop tard. Il vous a glissé entre les doigts, avouez-le. Il a glissé entre les doigts de votre éminence. Je n'avais pas d'ordre. Comment ça s'est-il passé ? La femme Bonacieux a conduit Buckingham au Louvre. La femme Bonacieux ? Je croyais vous avoir dit de l'arrêter, de la garder. J'ai échoué. Ça peut arriver de temps à autre. Moi, si je commettais autant d'erreurs que vous, ma tête tomberait. Elle tomberait de tellement plus haut que la mienne, éminence. Vraiment ? Du haut d'une ambition démesurée. Vous n'êtes pas ambitieux ? Non. Vous avez peur de moi, Rochefort ? Oui, j'ai peur de vous, éminence. Et aussi, je vous hais. Moi, je vous aime, mon fils, même quand vous échouez. Donc voilà, on est là devant un triple portrait de Richelieu par Philippe de Champaigne, un portrait qui est bien sûr dans toutes les têtes. Et puis il y a à côté un écran où sont aussi tous les différents Richelieu qu'on a pu connaître au cinéma. Alors toujours avec cet air fourbe et sournois qui le caractérise et qui est devenu presque l'identité de Richelieu en tant que tel. Alors peut-être Claude Chope pour commencer, ce Richelieu qui hante tout le roman d'Alexandre Dumas et qui est l'ennemi en tout cas au départ de D'Artagnan. Il est garde parce que Richelieu est l'ennemi de la reine. En fait, c'est toujours ce thème-là. Il est bien évident que pour Dumas, Richelieu a une figure double. C'est à la fois un grand homme, un homme nécessaire, parce que vous savez, Dumas a une vision de l'histoire providentielle où il y a des hommes nécessaires. Et parmi ces hommes nécessaires, il y a aussi bien Charlemagne, que Richelieu. Pourquoi Richelieu ? Parce qu'il a baissé la noblesse et il a préparé, en fait, la monarchie absolue. C'est la vision de Dumas. Donc, c'est le visage de Richelieu est extrêmement ambigu dans Les Mousquetaires. Il est à la fois admirable et détestable. Au départ, il est détestable, il est l'ennemi. Mais à la fin du roman, il y a une sorte de réconciliation et... si l'on regarde bien 20 ans après, qu'est-ce que l'on découvre dans le premier chapitre ? On découvre l'image ravalée du Premier ministre, c'est-à-dire Mazarin n'est qu'un Richelieu au petit pied, qui n'est cardinal que d'apparence. Et donc, je pense que chez Dumas, il y a de l'admiration pour Richelieu. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'image que les Français en général, pas les historiens bien sûr, ont de Richelieu, l'image dépend beaucoup plus des Trois Mousquetaires que de la lecture des historiens. Donc c'est une revanche de la fiction sur le réel, et ça, c'est assez plaisant. C'est aussi, avec la création de sa compagnie, sa propre compagnie mousquetaire, le rival de compagnies qui se font face. Deux compagnies qui se font face, mais ceci dit, la compagnie des gardes du cardinal a été imposée à Richelieu par Louis XIII. C'est Louis XIII qui, à la suite de plusieurs tentatives d'assassinat dont a été victime le ministre, en fait, qui a imposé à son ministre, qui n'était pas du tout favorable, qui ne se voyait pas se promener avec une garde rapprochée, etc., qui a imposé donc à son ministre d'avoir une garde qui ont été dotées de casaques, mais de casaques rouges, donc c'est les fameux gardes du cardinal, que l'on réduit souvent aux adversaires un petit peu pâteaux finalement des mousquetaires qui se font battre et rosser par les mousquetaires. Encore une revanche de la fiction sur l'histoire. Les gardes du cardinal, ceci dit, c'est des soldats tout à fait sérieux, qui ne sont pas de simples valets de pied de son éminence en tout cas. Oui, et puis Rémi Masson, il y a aussi peut-être cette question qu'il y a une compagnie prestigieuse parce que c'est celle du roi et puis une compagnie qui est peut-être mieux dotée parce que c'est celle du cardinal. Cette garde du cardinal qui est créée sur le modèle des mousquetaires est évidemment immédiatement comparée aux mousquetaires du roi. Suite à cette comparaison, il y a une véritable rivalité qui naît entre ces deux compagnies puisqu'effectivement la compagnie des mousquetaires du roi a le prestige d'être attaché au souverain, d'être la première et donc d'être connue sous le nom des grands mousquetaires. Et par opposition, on a une compagnie du cardinal de Richelieu qui, elle, est toujours à la recherche de ce prestige et de se défaire de cette comparaison des mousquetaires, mais qui, en même temps, Richelieu, avec sa fortune personnelle, peut entretenir cette compagnie, la doter plus richement, donc en équipement, en armes et notamment en soldes, ce qui contribue à entretenir cette rivalité entre les deux compagnies. Donc on est à côté encore du cavalier, on était d'un coup. C'est l'armure de Louis XIII. C'est l'armure de Louis XIII, on a voulu, non pas rehausser l'image de Louis XIII, mais c'est vrai que c'est un souverain qui est un petit peu déprécié par Dumas, qui lui donne finalement un peu le mauvais rôle dans le roman. Et à vrai dire, Louis XIII est très lié à cette maison, c'est le fondateur du cabinet des armes de la couronne, dont nous sommes les héritiers, et c'est le souverain français dont nous avons le plus de témoignages avec Napoléon, ça on le sait peu. Et donc on a une certaine tendresse pour Louis XIII dans cette maison. Je ne dirais pas que c'est le moteur de cette exposition, mais on a voulu lui redonner son rôle de grand souverain militaire. Et notamment, Dumas gomme totalement le contexte politique extrêmement difficile dans lequel évolue le jeune roi. Et les efforts acharnés qu'il va devoir faire pendant tout son règne pour assurer son autorité. Ah, oh, vous ! Moi ! Vous avez entendu ? Chaque mot. Alors vous savez. Je sais que la reine et vous cherchez les services d'un gentilhomme qui soit intelligent. Courageux, discret, actif, brillant, loyal. Et je sais que je vais à Londres. Et votre très cher mari, qui court probablement chez le cardinal en ce moment, a judicieusement pourvu à mes dépenses. Puis-je avoir confiance en vous ? Confiance en moi ? Oh, réfléchissez. C'est une question superflue parce que je vous aime. Et que vous m'aimez. Ne dites pas le contraire, je ne pourrais pas vous croire. Il faut me jurer de ne jamais révéler le nom de la personne chez qui vous irez. Sur mon honneur. Il s'appelle le duc de Buckingham. Il ne perd pas de temps, votre mari. Et je pensais que... Ça, il fallait vous en douter, imbécile. Pourquoi ne pas avoir accepté la lettre ? La lettre ? Elle est certainement allée avertir sa maîtresse. Il n'y a personne, la chandelle est encore chaude. Bon, alors suivez les rues qui mènent au Louvre. Vite, elle ne doit pas être loin. Cette compagnie des mousquetaires est totalement dévouée au roi et c'est ce qui fait la valeur des mousquetaires, c'est leur fidélité au roi. Et dans le roman, on voit bien que D'Artagnan n'a de cesse de finalement presque trahir le roi pour servir Buckingham, pour servir Anne d'Autriche, parfois même pour servir Richelieu dans d'autres épisodes. Peut-être vous pouvez nous parler de ça, Rémi Masson, de ce paradoxe entre la nature réelle de la compagnie des mousquetaires et finalement l'image qu'on en a dans le roman. Oui, c'est vrai que ce qui fait la fortune de D'Artagnan, c'est son service auprès de Mazarin et c'est sa fidélité envers le ministre qui peut lui permettre d'asseoir sa réputation d'homme fidèle. Et c'est notamment pour ça que D'Artagnan est choisi en 1661 par Louis XIV pour arrêter Fouquet. Puisque cette tâche d'arrêter un grand personnage est normalement dévolue au capitaine des gardes du corps, qui est une autre unité de la maison du roi. Mais à ce moment-là, Louis XIV en fait, ne dispose pas d'un homme digne de confiance et donc se tourne vers D'Artagnan, puisque D'Artagnan a fait ses preuves au service de Mazarin. Et c'est vraiment ça qui fait la fortune de D'Artagnan et qui va vraiment donner un élan nouveau à sa carrière, c'est cet épisode de l'arrestation. l'arrestation de Fouquet, puisque D'Artagnan va non seulement être l'homme qui arrête Fouquet, mais il va aussi être son geôlier pendant près de 4 ans de son arrestation, jusqu'à ce, en passant par son procès, jusqu'à son enfermement dans la forteresse de Pignerol, en fait. Oui. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est, tout est fiction. C'est-à-dire que Buckingham et Anne d'Autriche n'auraient jamais dû rencontrer D'Artagnan. D'Artagnan était trop petit, trop jeune, petit, ouais, pour pouvoir avoir accès à l'histoire de ses amants royaux, si j'ose dire, sinon amants au sens noble, bien sûr, du terme. Donc il faut voir que tout est fiction dans il cet épisode. Avec la chronologie. Voilà. Donc il y a d'un côté, effectivement, les amours très platoniques, sans doute, de Buckingham et de la reine. Et de l'autre, il y a un personnage qui est D'Artagnan, qui, lui, n'intervient que plus tard, sous Mazarin. Et peut-être, Olivier Renaudot, sur cette question de la Compagnie des Mousquetaires, qu'on a tous, nous, on a l'image de D'Artagnan en tête, voilà, qui finalement est fidèle à l'Autriche et plus qu'au roi, avec cette image un peu, effectivement, ternie de Louis XIII, et cette réalité. C'est une compagnie totalement dévouée au service de Louis XIII. Oui, tout à fait, en tout cas dans son rôle historique. C'est vrai que Dumas a tendance davantage à camper des aventuriers. Ce qui est toujours assez étonnant, c'est que finalement, ce sont des soldats qu'on ne voit jamais combattre, sauf à l'occasion du siège de La Rochelle. Et en plus, dans le roman, et en plus, ils sont en permanence sur les routes, ils obtiennent des permissions avec une facilité déconcertante pour mener leurs petites affaires dans leur coin. Et ils semblent absolument libérés de toute servitude militaire. Ça, c'est évidemment Dumas qui a pris des libertés avec un corps qui était quand même un corps qui était tenu en réalité, même s'ils étaient en petit nombre, ils étaient soumis évidemment à une discipline assez stricte et à des règles de conduite et de service, en tout cas, qui n'avaient rien à voir avec la liberté dont semblent bénéficier les personnages du roman. On a l'image d'espion, pratiquement. Alors, on en fait une sorte d'espion, on en fait une sorte d'homme de main. Finalement, ça reflète davantage, comme le disait Rémy Masson, la période où D'Artagnan n'est plus soldat, la période où il est gentilhomme de Mazarin et où finalement il a ce rôle un peu d'homme à tout faire, de coureur qui va porter les messages, qui va finalement assurer le soutien de son maître en toutes circonstances, en tout lieu. Avec une grande fidélité, mais sans être attaché à une unité militaire. D'Artagnan du roman est au service de Louis XIII et c'est un anachronisme puisque le véritable D'Artagnan fait l'ensemble de sa carrière sous Louis XIV. À quoi pensait D'Artagnan qu'il s'écartait ainsi de sa route, regardant les étoiles du ciel et tantôt soupirant, tantôt souriant? Il pensait à Madame Bonacieux. D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accosté par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelques billets de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. Nous avons dit que les jeunes cavaliers recevaient sans honte de leur roi. Ajoutons qu'en ce temps de facile morale, ils n'avaient pas plus de vergogne à l'endroit de leur maîtresse et que celle-ci leur laissait presque toujours de précieux et durables souvenirs, comme si elles eussent essayé de conquérir la fragilité de leurs sentiments par la solidité de leurs dons. On faisait alors son chemin par les femmes sans en rougir. Celles qui n'étaient que belles donnaient leur beauté, et de là vient sans doute le proverbe que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Celles qui étaient riches donnaient, en outre, une partie de leur argent, et l'on pourrait citer bon nombre de héros de cette galante époque qui n'eussent gagné ni leur éperon d'abord, ni leur bataille ensuite, sans la bourse plus ou moins garnie que leur maîtresse attachée à l'arçon de leur selle. Un aspect des mousquetaires peu recommandable, que c'est pour l'amusement, hein, c'est dans Dumas, bien sûr, c'est leur aspect gigolo. Hein, ce sont des gigolos qui se font payer leur service, si j'ose dire, à l'aide pour avoir un équipement, pour pouvoir partir à la guerre. Il y a un aspect cynique extrêmement amusant que Dumas, bien sûr, choisi pour distraire, en fait, puisque distraire, instruire, alors donc on est dans les deux. Ouais. Et peut-être justement, on peut revenir, Claude Chope, sur cette question de la figure romantique du mousquetaire, c'est-à-dire qu'il est l'aspiration à l'héroïsme aussi du 19e siècle. Oui, et puis en fait, moi, ce qui m'avait toujours semblé, c'est mettre en parallèle les mousquetaires de Dumas avec l'épopée des romantiques. C'est-à-dire que quand on lit la correspondance des de Dumas à cette période, on s'aperçoit très vite que dans les batailles romantiques, Vigny, Dumas, Hugo sont des mousquetaires, c'est-à-dire ils vont à l'assaut de la forteresse classique avec la même énergie, la même entraide. Donc, si vous voulez, Dumas a certainement, dans cette amitié du XVIIe, introduit des aspects de cette amitié 19e qui n'a pas duré très très longtemps, sauf avec Hugo où ça a duré 65 40 ans, mais c'est extrêmement intéressant de voir cela. Alors on va donc traverser, retourner sur nos pas, puisque cette exposition en fait se divise autour donc du palais où on était, avec dans chacune des ailes une partie de l'exposition. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, Don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissard, Don Quichotte vêtu d'un pourpoint de laine dont la couleur bleue s'était transformée en une nuance insaisissable de lis de vin et d'azur céleste. Visage long et brun. La pommette des joues saillante, signe d'astuce. Les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le gascon, même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent. Le nez crochu, mais finement dessiné. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait. Et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui pendue un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. On est donc devant une station de l'exposition qui est consacrée au vrai D'Artagnan, alors qu'on a un peu évoqué au départ. Donc là, on voit effectivement alors un portrait Charles, comte D'Artagnan. Alors est-ce que c'est un portrait fiable de ce que pourrait être le véritable D'Artagnan ? Malheureusement non, c'est certainement un des personnages de l'histoire de France qui est grâce à Dumas le plus populaire, et non seulement en France mais également à l'étranger. Je pense d'ailleurs que si l'on essaye de faire un trio de tête des grands personnages de l'histoire de France qui ont eu un destin mondial, on peut parler sans doute de Jeanne d'Arc, de Napoléon et de D'Artagnan. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres finalement qui les surpassent. Mais ce D'Artagnan est sans visage. Le portrait que vous voyez est en fait un portrait qui a été édité avec les mémoires, donc les pseudo-mémoires de D'Artagnan qu'évoquait Claude Chope tout à l'heure, écrites par Courtilis de Sandras, qui c'est un ouvrage en fait qui paraît au tout début du XVIIIe siècle. Et en fait, ce portrait est vraisemblablement un portrait apocryphe. On n'est pas du tout sûr qu'il corresponde à la vraie image de D'Artagnan. En fait, les représentations de D'Artagnan que nous avons, vous en avez un exemple avec cette feuille d'almanach qui est derrière nous, qui représente en fait le cortège nuptial de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche qui arrive à Paris après leur mariage, et on aperçoit D'Artagnan caracolant donc à la tête de la maison du roi, avec une légende sans ambiguïté qui montre notre petit cavalier, mais évidemment sa physionomie n'est pas précisée, on ne voit pas du tout son visage. Oui, donc vous avez même mis une loupe hein, à côté, loupe, oui, pour qu'on puisse le repérer. Un tellement, petit jeu pour les visiteurs, pour qu'ils s'amusent à chercher en fait dans ce cortège le D'Artagnan qui s'y cache et qui est parmi les membres du cortège, donc qui accompagne le carrosse de la reine. Et pourtant, ce véritable D'Artagnan, on l'a évoqué un peu aussi tout à l'heure, avant ce D'Artagnan d'Alexandre Dumas, le D'Artagnan mousquetaire du roi, celui qui a arrêté Fouquet, avait son importance, avait marqué les mémoires d'une certaine manière et restait dans la tête de chacun comme un des capitaines des mousquetaires. Comme un des capitaines des mousquetaires. On a même d'ailleurs dans un grand recueil que nous présentons aussi dans la manifestation, un recueil des troupes de France qui a été réalisé au début du XVIIIe siècle. Vous avez la représentation de la compagnie des mousquetaires et on a inscrit les noms des officiers et on met toujours D'Artagnan à la tête de la compagnie en tant que capitaine lieutenant. Ce qui montre que même au XVIIIe siècle, en fait, cette charge était encore attachée à la famille. Bon, il est vrai que D'Artagnan a eu aussi des cousins qui ont poursuivi aussi son œuvre en tant que militaire et qui ont été également officiers dans la compagnie. D'Artagnan a été choisi notamment parce que, encore une fois, il a fait la preuve de sa fidélité et de son exactitude dans les services et l'arrestation de Fouquet. Et c'est aussi un officier qui va instaurer une discipline dans les mousquetaires et qui va contribuer à la professionnalisation de cette compagnie. Olivier Renaudot, il faut le répéter, au-dessus de D'Artagnan, à ce moment-là, il y a donc le roi. C'est le roi qui est le capitaine. C'est le roi qui est le capitaine des mousquetaires, puisqu'en fait, celui qui dirige la compagnie n'est que le lieutenant en fait, du roi. Il porte ce titre de capitaine-lieutenant. Mais c'est le roi qui, d'ailleurs, jusqu'à la dissolution du corps, hein, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le roi qui reste le capitaine des deux compagnies de mousquetaires. Et c'est finalement l'élite qui se trouve dans cette compagnie, c'est-à-dire l'élite des soldats. L'élite des soldats, il y a cette proximité effectivement entre le souverain et ses mousquetaires, mais ce n'est pas eux qui assurent la garde quotidienne du roi. Ce n'est pas le corps de la maison du roi le plus proche de la personne du souverain. Ceux qui vraiment sont chargés de la surveillance quotidienne du roi et personnel du roi, ce sont les gardes du corps. Qui vraiment, eux, peuvent rentrer dans les appartements royaux, ce qui n'est pas le cas des mousquetaires. Les mousquetaires restent dehors et l'escortent en déplacement. Alors peut-être on va aller vers ce qui est un peu l'aboutissement de cette exposition, puis qui est un peu aussi l'aboutissement de la carrière du mousquetaire, qui finalement est avant tout un soldat, avec cette évocation du siège de Maastricht. Monsieur D'Artagnan partit, commandant un corps de 12 000 hommes, cavalerie et infanterie, avec lequel il eut ordre de prendre les différentes places qui sont les nœuds de ce réseau stratégique qu'on appelle la Frise. Jamais armée ne fut conduite plus galamment une expédition. Les officiers savaient que le maître, aussi prudent, aussi rusé qu'il était brave, ne sacrifierait ni un homme ni un pouce de terrain sans nécessité. Il avait les vieilles habitudes de la guerre. Vivre sur le pays, tenir le soldat chantant, l'ennemi pleurant. L'armée de D'Artagnan prit 12 petites places en un mois. Il en était à la 13e et celle-ci tenait depuis 5 jours. Monsieur D'Artagnan, le roi me charge de vous faire savoir qu'il vous a nommé maréchal de France en récompense de vos bons services et de l'honneur que vous faites à ses armes. Le roi est charmé, monsieur, des prises que vous avez faites. Il vous commande surtout de finir le siège que vous avez commencé, avec bonheur pour vous et succès pour lui. D'Artagnan était debout, le visage échauffé, l'œil étincelant. Il leva les yeux pour voir les progrès de ses troupes sur ses murs tout enveloppés de tourbillons rouges et noirs. « J'ai fini, » répondit-il au messager. « La ville sera rendue dans un quart d'heure. » D'Artagnan, ivre de joie, fit un signe au messager qui s'approcha, son coffret dans les mains. C'était son bien. Il l'avait gagné. D'Artagnan allongeait le bras pour ouvrir ce coffret quand un boulet partit de la ville vint broyer le coffre entre les bras de l'officier, frappa D'Artagnan en pleine poitrine et le renversa sur un talus de terre, tandis que le bâton fleur d'Élysée s'échappant des flancs mutilés de la boîte venait en roulant se placer sous la main défaillante du maréchal. D'Artagnan essaya de se relever. On l'avait cru renversé sans blessure. Un cri terrible partit du groupe de ses officiers épouvantés. Le maréchal était couvert de sang. La pâleur de la mort montait lentement à son noble visage. Alors, serrant de sa main crispée le bâton brodé de fleurs de lys d'or, il abaissa vers lui ses yeux qui n'avaient plus la force de regarder au ciel, et il tomba en murmurant ces mots étranges qui parurent aux soldats surpris autant de mots cabalistiques, mots qui avaient jadis représenté tant de choses sur la terre et que nul, excepté ce mourant, ne comprenait plus. Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu. On Donc là, Olivier Renaudot, vous avez mis en scène de manière assez spectaculaire le siège de Maastricht avec des tranchées qui sont érigées donc au fond de la salle d'exposition, dans lesquelles on peut serpenter pour atteindre donc voilà une partie de l'exposition qui explique ce qui s'est passé lors du siège de Maastricht. C'est peut-être ça qui symbolise le mieux ce qu'étaient avant tout les mousquetaires. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est que c'était des soldats qui faisaient la guerre. Ce sont des soldats qui font la guerre, ce qu'on voit peu d'ailleurs dans le roman de Dumas. Et ce sont des soldats qui, effectivement, comme le disait Rémi Masson tout à l'heure, sont particulièrement sollicités au moment des sièges. En fait, une grande partie des opérations militaires du XVIIe siècle, on n'a pas de grandes batailles rangées, ou finalement en nombre assez réduit. Une grande partie des opérations militaires, particulièrement sous le règne de Louis XIV, au moment où, où D'Artagnan est au cœur de sa carrière, sont des opérations en fait, de prise de ville. Et l'objectif est vraiment de prendre les villes ennemies. On a en plus donc, cette science de la polyurcétique, de la prise des villes en fait, dans laquelle excelle Vauban, avec un objectif qui est celui de perdre le moins d'hommes possible. Et Vauban va mettre en place donc, toutes ces techniques d'approche des villes, avec les tranchées d'approche, avec les parallèles qui permettent de masser des troupes pour contrecarrer éventuellement une sortie ennemie, et qui permet d'économiser donc un nombre de vies humaines très notable. Et D'Artagnan finalement est mort pour ne pas avoir respecté ses préceptes, c'est-à-dire que je ne dirais pas qu'il appartient à l'ancienne école, mais c'est un petit peu le cas. Dans ses mémoires, Vauban remarque bien que D'Artagnan est mort courageusement d'ailleurs à Maastricht. Il est mort au moment d'une contre-attaque en fait hollandaise, et en fait il s'est rué à l'assaut alors qu'en fait il n'aurait pas dû s'exposer. Et Vauban parle de cette jeunesse qui s'est sacrifiée inutilement parce qu'elle n'a pas su attendre 24 heures en fait. Et de toute façon, il a dit moi j'aurais repris le bastion. Il y avait c'était mathématiquement impossible que ce bastion reste aux mains de l'ennemi. Mais voilà, ils se sont jetés à l'assaut et résultat, il y a eu 80 mousquetaires couchés sur le carreau, dont leur chef donc qui a pris une balle de mousquet dans la gorge. Oui, Rémi Masson, c'est peut-être ça aussi qui illustre bien cette vie des mousquetaires, c'est cette vie au combat et une vie qui est dangereuse. Oui, parce que ce qui caractérise les mousquetaires de Louis XIV, donc, et puis ce qui correspond à l'ascension de D'Artagnan et à sa promotion à la tête de la première compagnie de mousquetaires, c'est effectivement une période qui correspond avec le début du gouvernement personnel de Louis XIV. Et une des premières décisions de Louis XIV, c'est de réformer les troupes de sa maison. Les troupes de la maison du roi, dont font partie les mousquetaires, sont jusqu'à cette période considérées comme un ensemble de corps de garde, mais pas forcément comme des troupes militaires. C'est-à-dire que jusqu'au début du règne de Louis XIV, ce sont des troupes qui accompagnent uniquement le roi à la guerre, donc quand le roi est physiquement présent lors des campagnes. La rupture instaurée par Louis XIV, c'est que Louis XIV, qui veut se présenter comme un roi de guerre, décide de structurer les troupes de sa maison et de les organiser de manière à en faire l'élite de son armée. Et dans cette organisation, dans ce plan, il décide de faire des mousquetaires l'élite de ses troupes destinées à prendre les places fortes. Pourquoi Louis XIV affectionne tant la guerre de siège? C'est parce que quand on met en place un siège, on sait qu'on va prendre la ville. On a tendance à opposer à cette époque, à présenter le siège comme un peu la négation de la bataille. C'est-à-dire que si la bataille est caractérisée par la violence, le siège tend à devenir un petit peu sa négation. Et c'est là où Maastricht a un impact considérable, c'est que dans ce contexte de guerre de siège considéré comme de plus en plus sûr, notamment grâce aux réformes de Vauban, et bien malgré tout, l'assaut de la ville de Maastricht se révèle particulièrement violent. Et lors de cet assaut, comme on l'a dit, effectivement, plus de 80... Voilà, D'Artagnan est tué et plus de 80 mousquetaires sont tués ou blessés. Claude Chop, il faut le dire, peut-être que Alexandre Dumas ne met pas vraiment en valeur cet aspect soldatesque, on pourrait dire, de la vie de D'Artagnan. Néanmoins, il le fait mourir dans le Vicomte de Bragelonne, au siège de Maastricht. Il ne voulait pas le faire mourir. On a une lettre de Perret où il refuse de faire mourir, et c'est sur les indications, parce que le Vicomte de Bragelonne devenait vraiment trop long, et le Perret, le directeur du siècle, a exigé la mort. D'Artagnan. Et par ailleurs, vous le savez, on a une très jolie page de Dumas fils racontant comment, arrivant chez son père au moment où justement il devait décrire la mort de Porthos dans la grotte de Locke Maria, il trouve son père totalement en larmes parce qu'il ne voulait pas faire mourir Porthos. Mais vous voyez, les historiens nous l'ont dit, D'Artagnan est quand même mort. Oui, D'Artagnan est mort, et là on voit donc des canons, des fûts de canons avec des gueules de lion il est mort dans le roman à cause d'un boulet de canon. Voilà, il est mort, mais alors qu'on vient de lui remettre son bâton de maréchal, en fait. En fait, Dumas lui donne une mort à la Turenne, en réalité. D'Artagnan n'a jamais été maréchal de France, et il est mort d'une balle de mousquet. Il a vraiment démarqué la mort de Turenne, donc autre grand militaire contemporain, donc qui effectivement a été touché d'un boulet de canon. Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l'histoire, il ne restait plus qu'un seul corps. Dieu avait repris les âmes. Alors peut-être qu'on va, pour conclure cette promenade à travers la personnalité du D'Artagnan de Dumas et puis la Compagnie des Mousquetaires à travers le véritable D'Artagnan, aller jusqu'à, vous avez un dessin de la main de Géricault par lui-même qui symbolise peut-être le versant romantique, vraiment proprement romantique de cette exposition, c'est la rencontre d'Alexandre Dumas avec un mousquetaire. Avec celui qu'on peut considérer comme le dernier mousquetaire. Enfin bon, c'est un petit peu une pirouette, voilà, que nous proposons pour conclure l'exposition et pour retourner finalement sur ce contexte romantique qui est celui dans lequel Dumas a écrit son roman. En 1824, donc alors qu'il est encore un jeune dramaturge prometteur, disons, Dumas rencontre Théodore Géricault. Théodore Géricault est mourant. Il est dans son lit, à l'agonie, à la suite d'une chute de cheval qui a mal tourné et certainement d'une syphilis aussi, qui est mal tournée également. En général, ça tourne assez mal. Et en fait, Dumas voit Géricault en train de dessiner sa main gauche, puisque c'est le dernier modèle qui lui reste sous la main, c'est le cas de le dire. Donc, et on a plusieurs représentations de ces mains de Géricault qui sont un peu des autoportraits finalement funèbres de Géricault à l'extrême fin de sa vie. Et Dumas ignore peut-être à l'époque qu'en fait il est en face du dernier mousquetaire. Dumas ne sait pas non plus que les mousquetaires vont lui donner son plus grand succès littéraire. On est 20 ans avant la publication des Trois Mousquetaires. Et c'est une parenthèse assez étrange d'ailleurs dans la vie de Géricault, puisque le peintre a abandonné ses pinceaux pendant quelques mois, alors que Géricault s'est quand même fait connaître en exaltant par la peinture les gloires de l'Empire. Les grands chefs-d'œuvre de Géricault, c'est le chasseur à cheval ou le cuirassier blessé, qui exaltent en fait la gloire de l'armée impériale. Et en fait, poussé par des amis, Géricault va s'engager dans le corps des mousquetaires, dans cette maison du roi, remontée de façon très éphémère par Louis XVIII, qui voulait recréer donc en 1814 les fastes de l'ancienne cour. Et donc on recrée deux compagnies de mousquetaires qui sont extraordinairement somptueusement habillées. Bon, ce sont les titulaires eux-mêmes qui payent leur équipement, hein, ceci dit. Et Géricault va accompagner la débâcle de la maison du roi au moment donc des 100 jours, au moment du retour de Napoléon, accompagne le Louis XVIII donc jusqu'à Béthune, il ne va pas jusqu'à Gand. Et ce que ni Dumas ni Géricault n'imaginaient non plus à l'époque, c'est que Géricault va lui-même devenir un héros de roman en tant que mousquetaire, puisque Louis Aragon va publier en 1958 La Semaine Sainte, qui raconte justement cette épopée un peu dérisoire finalement de la chute de la maison du roi et de cet exil de la maison du roi par des routes détrempées pendant la Semaine Sainte, donc 1814. Et dans l'ouverture des Trois Mousquetaires, Dumas appelle son D'Artagnan un Don Quichotte de 18 ans, et dans la Semaine Sainte, Géricault est qualifié d'un Don Quichotte du vieux monde en fuite. Alors peut-être pour vous laisser le mot de la fin, Claude Chop, pour laisser le mot de la fin à D'Artagnan, au D'Artagnan d'Alexandre Dumas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous charme le plus chez ce D'Artagnan ? C'est que c'est un, je dirais, c'est un homme normal. C'est le bourgeois en fait, hein, mais c'est un bourgeois qui réussit. C'est un pendant historique de Rastignac. C'est quelqu'un qui veut réussir et c'est un homme d'énergie. Et vous savez, le rôle de l'énergie au 19e, et certainement chez les écrivains, après l'épopée des pères, ont besoin d'avoir leur propre épopée, mais cette épopée se fera littérairement par la plume, alors que les mousquetaires ont fait leur épopée à travers l'épée. Donc c'est un petit peu ça qui est intéressant, c'est comment projeter des désirs plus ou moins conscients dans un personnage dans ce 19e qui est quand même notre matrice à nous. On se reconnaît dans les héros du 19e par ailleurs. Voilà, cette promenade à l'hôtel des Invalides, au musée de l'armée, autour de l'exposition Mousquetaire, était signée Perrine Kervran. La prise de son a été assurée par Gilles Gallinaro, le mixage par Kevin Lemars et la réalisation par Renaud Dalmar. Cette semaine est terminée autour des Mousquetaires. Il vous reste désormais à vous plonger dans les œuvres de Dumas, mais également dans les travaux de tous nos invités autour de ce XVIIe siècle. Vous les trouverez bien évidemment sur notre site www.franceculture.fr. Vous pourrez également écouter ou réécouter ces émissions, laisser vos commentaires ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire. Demain, vendredi, premier vendredi du mois, eh bien c'est une table ronde fiction avec Séverine Yatard, Arlette Farge, Pascal Horry et Fabrice Dalméda.